Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices de l'Antichambre. Bienvenue sur les 105.9 de Radio Hellebore. Première émission spéciale Urban Jam numéro 9. Et ce soir, je suis en compagnie de Erko D+. Bonsoir, RDECO+. Et voilà, et je m'étais entraîné dans la voiture. C'est pas et grave. Je me gourre encore. C'est pas grave, ça venait du cœur. C'est mon joker maintenant. Là, LBR et Naughty B ne peuvent pas être avec nous ce soir. Donc maintenant, c'est mon joker. Dès que j'ai pas envie d'être seul pour une émission, je fais appel à ses services. Voilà, et je sors de la boîte. Donc ce soir, on se fait une petite émission spéciale sur les premiers artistes donc, qui seront là à l'édition numéro 9 de Urban Jam, qui se déroule donc du 18 au 28 mai prochain. Ouais. Voilà, donc on commence peut-être le 18. Le 18, oui. Le 18, soirée, l'opening de l'Urban Jam à la Palette. Le nouveau bar de Chambéry avec un set de Wine Not et d'Elbert. J'ai entendu dire que Wine Not ferait une spéciale hip-hop, mais bon, voilà. Oh. Oui, il paraît. Donc, je pense que ça va envoyer. Bah, c'est très bien. Donc ça, c'est le 18. Et ensuite, on attaque donc ce soir avec un mix de Calamity Jade, donc la DJ qui nous vient tout droit de Milan. Exactement. Qui sera donc le 20 mai au B-Rock Art Café à Chambéry à partir de 21h. Voilà. Avec, je sais plus lequel, il y a un petit apéro mix aussi, Il y a un apéro mix avec Naughty B et moi-même. Ah oui. Voilà, donc ça va jouer, je pense, très funk, raw funk, 60s, 70s, 80s, parce que Calamity Jade est une grande digueuse, grande collectionneuse de disques. Elle a même une émission sur une radio italienne qui s'appelle Funk Shui. Et elle fait pas mal de soirées en Italie et un peu de partout. Voilà, et donc son mix d'ailleurs, que j'ai pu un peu écouter à l'avance, j'ai regardé sa sélection et c'est tout à fait dans cet esprit-là. Il y a beaucoup de, on va dire, de break classique. Donc ouais. On vous le détaillera pas dans l'ensemble, parce qu'on a quand même une émission assez limitée et son mix est déjà une vingtaine de minutes. Donc on va s'écouter ça tout de suite. Voilà, mais si vous voulez le détail du tracklisting, vous pouvez nous envoyer un message sur la page Facebook de l'Antichambre. Et on essaiera de vous répondre. Et puis aussi, on le mettra sur le Mixcloud quand l'émission sera en ligne. Exactement. Et puis après, on s'écoutera donc un autre mix qui sera consacré aux artistes qui seront le 21 mai à la Soute au concert. Donc, c'est-à-dire Technical Development IS et Figoob, qui nous viennent d'Allemagne et d'Angleterre. Un concert qui sera à 10 euros. Oui, mais qui les vaut. Et qui les vaut. Et puis avec en première partie Tina Mweni, mais ça on vous fera un petit teaser, ça sera plus la semaine prochaine qu'on consacrera l'émission à cet artiste. Voilà, alors on va écouter le mix de Calamity Jade. Tout à fait, je vais lancer ça, donc vous restez sur la fréquence 105.9 Radio Hellebore, cette nouvelle émission de l'Antichambre spéciale Urban Jam. Let's go.

Thank you. Waouh, super mix de Calamity Jed, j'espère que vous avez apprécié, en tout cas nous on dansait dans le studio. Alors maintenant Ben, tu vas nous parler un peu de Tech and Figub, là, le concert à la Soute du 21. Un concert donc qui aura lieu à partir de 20h30, qui sera avec une entrée de 10€, donc à la Soute à Chambéry. Donc Tech c'est le MC du groupe, Figub bah, c'est le producteur. Donc ils ont sorti un album en 2015 qui s'appelle donc The Everyday Endod, qui sera la quasi-totalité de ce mix qui nous a été concocté par DJ Winey Not, donc une dizaine de titres. Voilà. Et puis, il faut savoir que ce groupe donc, fait partie d'un collectif qui s'appelle Men of Boom, avec le rappeur Juju Rogers. Et ils ont sorti un album, il me semble. Oui, en 2013, donc il s'appelle Back to the Boom. Voilà. Et donc on s'écoute ça tout de suite sur les 105.9 de Radio et les Bords. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Spot the essence, bruv. Let me start this. Those who respect the love of the art, those who travel dynamic sounds, words, beats, myths, MCs, especially all them humble poets, the ones from the strangest corners of the planet, the everyday head nod shit. No calculating the steps in this cosmic movement. To learn, teach. Peace to the youths. Don't put no trust in no adults. Every day we water the natures of this meaning, but we still remain twisted. Life on the wonders of sound. This vibration fix all the problems. They live, so yo, focus on the correct people. There ain't no rights and wrongs, but respect who you are. Nothing's perfect. See life smile when you stop searching. It's reflection internal. Feel it all day. The end and the start is the same thing. Peace to all the shamans. Peace to all gory. Peace to all in between holding down the silence. Let's travel, see the difference. The speaker's opening, man. No fears from the realms of hip-hop. Strength yourself, break school numbers. Keep your judgment. Dropping potent stars. Learn, teach, liberation and peace. Technical development that is invisible species. Figure Braslovich, resting from the lands of authentic sound. Cosmic wonders. The everyday head nod. Technical development, figure Braslovich. Yo. Go the wonders of a rhyming dreamer. The journey cosmic classic, rest of new dimension. Different night, the same direction from the base up. The crowd is waiting, the coil unravels. The snake of love, chakra spinning. The frequency they heal, hear it in the portals of sound. The youth scream with their negative harmonies. Beat up in the back of police transit vans. Drive the roads of Babylon soon. The queen's head rolls, repeating like an infinite echo. Unseen pain from the faces of my people roaming. Open up the self, absorb this dope vibration. From the splifted dramas to the conversation. Old mystic, old faces, where the life don't end. Some choose when to go, walk the pavements off the other side. No stresses, but a new spirit without a physical body. Times long, many souls felt. I see him in colour, the figurines of what used to be. I'm waiting patiently, stone for the day to contact my homie Shane again. My homie Shane again. Perfect from the realms of mental egos. Broken windows of this life science. Break the image, mark the splendid words. The devices of nature's role. Personal endeavors, keep the message from the underworld. Spy games, internal vision. I rest eternal, old souls. The gang of travelers and nothing stays the same. So make way for the open doors. Close your eyes, imagine the sounds. I hold you in a capture, all the hands of freedom. Rock the cradle, once a man or twice a baby. Respect the elder, they call him Michael. Mama, papa, I tech, continue the mystical cycle. No time for the war zone. Of poisonous realities, plastic snakes, twisted politics, and the place nature gets hung. We rushing the race, but too shook to make a change. Point the finger, best hope you're staring in the mirror, started reflection, and if you're lucky, you might watch it fade away. Yo. Rain stars, broken windows, let the weather screen. Unstable, holding it down, leaning on the base like it's a wall. Abstract circulation, listen to my written. Since the conception, the path unsafe, but still we test these waters. Talking, waiting for the points of travel. Opposite to all my closest. I am worse with components, work out the equation. Light the fire, rest still blissful as time dies. Assassinated by these true natures, no violence. Just a source of illusion, partly broken, not active for this moment. Only the traces meditating state stripped from the mind. Whilst I continue to scrap the page with oneness. Infinite direction, archetypical collage on the canvas. By the pages, break free. No chains, warriors run the lands of sands. Watch no face, fear no taxes. No ropes held by the opposite hands. This ain't a dream, so fuck you. This my reality, I burn the ropes daily by the blood and fears of the haunted souls. Died so many times, the journey back to earth more than boring. Spaceships fly and the entities that walk past you different. Walk by slowly on the daily. You know the times when we rock the shit, we be the ultimate. assassin. Past space on the word of mouth, hear these words from the soul to burn the pages past the rip around and feel the screams. Can you take the slave? Sorry to ancestors, I'm looking me in the face. Expect grace, expect old souls, heart your spirit, your vision on events will end in tears. Playing loud from the spiritual sides, everyday head knock in this race from the place I listen to twisted art over boom back tech. I landed with the skills unique, touch and sound, the smoke of the creator, mix the pleasure, no pyramids in the cipher, just circles that last forever. The puzzle to the darkness is far from complete. Fuck knowledge when the principles to present light like the sense upon what's common. Warlocks, the devil got no structure, but a word that lives from the heart. Can't feed a beast of new era. My cat backwards, teach learning. Your mental feeds the system you against. But then again, a bitch needs to be impressed. Undress a whore. Can I demise behind the bliss of ill rhyme spitters? Risky, but death has a beauty. Catch the simplicity. If liberation of peace means your heart on a plate, will you present the sharpest blade? The last night will ever shed blood. Hold them flowers, shadow graves. Rest blood on your skins, the art is most willing. No secrets kept from the window, staring from his face. Black magic has a reflection, and they call it tech. Standing from the light and dark, a lock and chains from the lands. When art is perfect, tray spitting, no point breaking it down. The ship's already sunk. Monkey see or monkey do, from the eyes of nature, monkeys getting smarter. Standing from the light and dark, a lock and chains from the lands. When art is perfect, tray spitting, no point breaking it down. The ship's already sunk. Monkey see or monkey do, from the eyes of nature, monkeys getting smarter. Yo. So many dramas, yo, the footage rests upon the shoulders. Eternal weakness, internal lights that flicker from the stains of life. Alone from the place, light has to pay the price. So many candles, burning preparation for the warmth it wears. On the strongest of winds, they curse the pleasures of the stillness. Peep the message in between the four stone days, but I look towards their health. See me broken when the world dies. For now, I'm living, stable, vibration. Cut the strings, don't control from the poisonous hands. Dance abstract, like melodic. No care for my steps, not in perfect peace, but a gory. Play it only if you feel this. Fuck your wasted energy in vain, the shield is rested. Reminiscing on the future, and everything is clear. Spend the vision on existence. The fabrics we created is priceless, it's full of bliss. The method, far from different, like the same face, but internal formation has shifted. From the mind, position levitated, far from games. From the soul of life controls, technical development there is. Piece the figure. For peace from the water expressing the forever silent. Will they accept the type of conversation? Communication crippled by the truth. They say the pro-black but so crack to blacks. My pistol go to hell. Don't exist, let me spark the pictures of your ending. Track these symphonies that make hasty advances. Add the world of rap, destroy the image. Tech and Shiva, the stage will crumble from the movement of crews with weak hearts. The mirror ripples with that soft turbulence. Reflection of the self, unstable amongst the chaos of decision. If you love what you do, then you need to make it happen. Promise in the hope and trust and faith for your peoples. No sorries, accept my words with love. Fucking 9 to 5, stretch a slave and watch your skin rip. Freedom walking, smiling little stresses, it's all good. No more strength to walk in on, but so much to offer. Truly peace to Lloyd, he watch out for my family. Connections with your peoples should be past the stars and sounds and lyrics. And back to the love, no reflection, no restrictions. We do this for the meaning. Like fuck Cause yes, man, cause I'm building like Solomon. I'm the word whisper, the storyteller, the narrator, dreadlock king, hunting like the predator. I know you want it, it's that, goddammit. My level in it got me preaching like Kevin. Diggity boom, diggity back. You rap, record the crap. Never depending on your music, super ninjas on the map. We jump to get, spin the loop, flow with space. Until the music I'm blasting in your holy face, like ho, ho, ho, open up the fucking dope. Me and my ninjas feeling that hunger like hardcore. Ha, ha, but now I'm almost down with the puzzles to respect my hustle, my muscle. Ha, focus on the no one, so my mind. I found my destiny, so that's what I grind. Taking you back to basic as your acts are blind. You dig it in lines that I write, that's why your mind's aligned. The art of expressing sound, the word, the earth eternal spins faster when you. Everyday head nod. The art of expressing sound, the word, the earth eternal spins faster when you jump. Everyday head nod. The art of expressing sound, the word, the earth eternal. Everyday head nod. The art of expressing sound, the word, the earth eternal spins faster when you jump. Propose from the other side. Change of frequencies, instruments that play you from the chambers inside. They lift the musicians, we let them play the arts of expression. The weather's out, repeating in the cypher with different set of people. Life too long to live in closed doors. Police roam, defend themselves accordingly. Choose your weapons of peace. No hope, your image of intimidation. Save for you from brutality's whip. Soon the rage of the youth will spark. Let all raised hands toward the youth be cursed with the broken feelings. Forever hold unseen pain. Smash the window, break the spell. Fly returns to how it should be. Moving on like you're trying to shake the past. Disturbing memories that got you hanging. Trying to catch a breath, can't. For every wrong track ends after acceptance. And from another patient life lives. Rap, no set page number on the end of the chapter. And fire burns like the metal corners are spreading fast. No one's close enough to save me with their waters. Too much poison, but nothing's pure. Not even blood flowing from the canvas behind my skin. Out of my thoughts. Self, so why fear the wrath of your enemy when domestic internal violence rebels? poisonous mechanics. Plant the poetry, cut it, clone it, root it, watch it grow. Natural skill from the essence, tap the metal, concentrate it, and live within it. The every word to form this vessel present. Can't neglect the client skill, just the weapon for powerful expression. Learn, teaching, vision. Here to see the picture, soft decision, the meaning of my mission. Articulated from the board, demand the rhyme, desired many stars, freezing not enough, rock forever. Back and forth, life ain't shit, damn right. People, you're special, ahead the tears drop, profess the movement. Eternal wolf, evaporate the pain from the ground up. Break the scans, lines of different faces. Never seen the verses, never heard. Hold the waters, can't drop this vibe. High times are floating, this cloud, the natures of the mind to pick these words like fruit. The baskets never fall, so my space enough for it. And smash the brackets, equations escape. Crying mathematicians hooked on ending complication. No power and knowledge unless you teach. Speaking from dimension, special gripping neck of death. Life was the ransom, and what's the option? No time to think, we let it live. Earth a place to seek to live forever. Schedule meetings, no reflection. Sunlight is beaming through, was the vision. The pleasure brought confusion. The price was concentration. Standing windows broke, shattered glass. Rage motivates new direction. Calm the self to keep that life. Je suis désolé, on écourte un petit peu ce mix, il doit rester peut-être un morceau. Donc c'était un mix concocté par notre ami DJ Winey Not, c'était donc Tech et Figoob. Donc on vous rappelle, ils seront le 21 mai à la Soute, donc à partir de 20h30 avec une entrée à 10€. Voilà, et on vous rappelle aussi que cette année, il y a une séance de ciné, grande nouveauté d'Urban Jam, avec l'excellent film Dave Chappelle's Block Party, pardon, qui a été fait par Michel Gondry. Donc c'est l'histoire d'un concert qui se passe à New York et où il y a plein de gens qui arrivent de partout, et c'est vraiment un super film avec des super artistes. Il y a The Roots, il y a Mos Def, il y a John Legend, il y a Kanye West, il y a Reformation. Donc ce film est de 2004, oui c'est ça. Et donc à l'époque, ça faisait 8 ans que les Fugees ne s'étaient pas reformés. Exactement. Donc on va dire, je pense que c'est la grosse surprise de ce concert. Voilà, donc venez tous voir ce film. Donc il y a deux séances, le jeudi 19 mai à 20h30, c'est au cinéma Curial, et le samedi 21 mai à 16h. Avec une séance à 5€. Voilà. Donc ça vaut. Non, pardon, 6,50€. 6,50€. 5€, je pense, c'est tarif réduit. Ouais. Voilà. Donc on vous rappelle donc les dates importantes pour cette première semaine de Urban Jam. Alors 18 mai, mercredi prochain, donc au bar La Palette à Chambéry, vers la gare, l'opening de Urban Jam avec DJ Winey Not et DJ LBR. Je voulais enchaîner. Excuse-moi. Vas-y, excuse-moi. Donc après nous avons, donc on avait dit la séance de cinéma, mais ça on vient de vous le dire. Après il y a donc Calamity Jade le 20 au Biroc Art Café, donc au Carré Curial à Chambéry. Exactement. Et puis ensuite, donc le 21 à la Soute, le concert de Tech et Figoob à 20h30, avec en première partie Tina Mweni, donc une artiste kényane qui est aussi au Danemark et qui vit, je pense, à Marseille. Elle vit à Marseille maintenant, oui. Mais elle a, d'après ce que j'ai lu, elle a eu une grosse carrière au Danemark, où elle a fait notamment apparemment une émission de télé qu'il a révélé, et au niveau des cours de danse aussi, apparemment c'est une grande grande danseuse. Et d'ailleurs elle sera, je pense, accompagnée de deux danseuses, hein, oui, pour le concert. Oui, oui. Donc on va juste vous mettre un petit teaser pour finir l'émission, donc de Tina Mweni, un petit titre. La semaine prochaine on aura donc une nouvelle émission spéciale avec les autres artistes, et on reviendra sur Tina Mweni. Donc on va finir avec ça, avec donc Tina Mweni, un titre en guise d'apéritif pour Urban Jam, donc cette session numéro 9. Exactement. On se dit à la semaine prochaine. Je ne sais pas si tu seras encore là. Je ne sais pas ce qui peut se passer d'ici là. En tout cas, oui, rendez-vous la semaine prochaine. Et si vous voulez nous voir en vrai, venez tous le mercredi 18 mai à La Palette pour la première soirée d'Urban Jam. Très bien. Eh bien, on y sera. On ne manque pas ce rendez-vous. Donc, bonne soirée sur les 105.9 de Radio et les Bords, et à la prochaine fois pour une nouvelle émission de l'Antichambre. Voilà, bye bye. Ciao. Ciao. While the sun rises, I sympathize. Thoughts going through my mind as I take a run. Each one, teach one, dreaming about freedom for the nations. Time for realization. How could mankind wreck such a beautiful landscape? Then escape. I chose other ways. On the outside, looking at the mirror from behind, seeing everything clearer. Starting from within, a love can change the fear already. Knock, knocking on authority doors. They ain't ready to move forward, but ammunition of hip hop beats. ambition and we don't stop. Forever ongoing development ahead of them instead of dropping bombs, nonsense. We drop elements and all figures bigger than the government. Knowledge, wisdom, development, we dropping elements. Yeah, oh yeah. Wisdom, knowledge, development, we dropping elements. Nationalities, we all one heartless mentality. Need none of these misleading economy systems. Becoming addicts of developing these habits, deceiving our planet. I've had it. Look at the statics, books of history. From the plants to the ants to the ancestors, walking bare feet, eating with hands. We take for granted, relate on brands. Glam, what the eye can see. While humans are being executed from Iran to Japan. Does my location make me who I am? You make it if you woke up at no man's land. I'll be a spokesperson for the folks in Sudan. Provocative questions, but don't misunderstand. Ask yourself. Snapper noggin, mad props speak up til alle der fatter. Der er noget snak, budskaber andet end patter. Slår ikke plat eller kroner om hvilke toner der bruges. Så til dem der kun vil høre om hvordan jeg skruer. Igen handler det ikke om hvad du får, men hvad du beholder. Vil hellere pusse vinduer end at rappe kun for dollar. Sælger hverken sjælen til kunder eller resten af verden. Fortæller heller om hvad der lurer under tæppet, når de lovlige fra sporene under bordet. Forstår du hvad jeg mener? Problemet opstår når systemet du stoler på. Læg en nogen æble på dig. Skriv det før de lægger dig ned ret i en kiste. Er krænket der mental uden at du kan bevise det. Har du tænkt lidt over hvorfor kvaliteten tænker? Måske fordi din yndlingsrapper holder sig længere.